Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire. Et je vous disais donc avant la pause que cette émission sur la Chine, on vient tout juste d'entendre une chanson de Tu Étienne, chanteur, comme je disais, qu'on va retrouver au fil des semaines sur cette émission. Je disais avant la pause que cette émission sur la Chine sera présentée comme un cours universitaire. La seule différence, par contre, c'est que je n'ai pas de tableau pour écrire ou pour dessiner, ce que je fais régulièrement lorsque j'enseigne. Je n'aurai pas non plus de cartes géographiques à vous montrer, ni d'images et encore moins de PowerPoint pour illustrer mon propos. C'est là un défi qui est tout à fait nouveau pour moi, sauf pour ce qui est du PowerPoint. Mais c'est un défi pour moi que d'enseigner sans avoir d'outils à ma disposition pour faire voir mon propos. Surtout que, comme disait Yvon, les gens veulent voir. Mais c'est un défi qui ne m'effraie nullement, en face duquel je suis confiant que nous parviendrons à trouver un modèle pédagogique qui nous conviendra à tous et à toutes. Je parle au « nous » ici, parce que, comme j'ai mentionné plus tôt, l'émission sera construite comme un cours universitaire. Et à cet égard, je vous invite à ne pas hésiter à poser vos questions, exactement comme on le ferait dans une salle de classe. La seule différence, c'est qu'il va y avoir un petit délai, un délai qui sera entre quelques jours et peut-être quelques semaines, voire quelques mois, entre la question que vous posez et la réponse du prof. Je vous invite donc à ne pas hésiter à poser vos questions, qu'elle porte sur la matière qu'on verra pendant un épisode en particulier ou sur un aspect de l'histoire de la Chine que vous voudriez que nous abordions au cours d'une émission. Que ce soit parce que des événements ou des concepts manquaient de clarification dans mes explications ou tout simplement parce que nous avons passé trop vite sur un sujet donné qui vous intéresse, toutes les questions sont bienvenues. Ainsi, tous les commentaires, les suggestions que vous pourriez avoir pour l'amélioration du cours. Par exemple, si vous avez des demandes spéciales musicales que vous voulez formuler ou si vous avez des découvertes musicales de musiciens chinois que vous souhaitiez partager avec nos auditeurs, comme je le dis toujours à mes étudiants en classe, la salle de classe vous appartient autant qu'à moi. Dans ce cas-ci, les ondes radio vous appartiennent autant qu'à moi, alors n'hésitez pas à formuler vos questions, vos commentaires et vos suggestions. Attention par contre, l'histoire de Chine que nous allons raconter dans le cadre de cette émission au fil des prochaines semaines, c'est une histoire qui va suivre une approche chronologique. C'est-à-dire que nous allons partir du début des origines de la civilisation chinoise, pour cheminer graduellement, de semaine en semaine jusqu'à aujourd'hui. Soyez donc pas surpris si vous me posez une question qui porterait, par exemple, sur la révolution culturelle des années 1960 et que je vous réponde seulement dans quelques mois, voire au printemps prochain. On va suivre une approche chronologique des origines jusqu'à aujourd'hui et on va avancer tranquillement vers la fin de notre objectif. Pour ce qui est des questions que vous voulez m'adresser pour le cours qu'on va vivre ensemble, il y a trois façons très simples de s'y prendre et je vous donne les coordonnées tout de suite. Donc, ceux qui veulent le prendre en note, prenez-vous papier et crayon. Donc, premièrement, ceux et celles qui passent dans les environs de l'UQTR, vous pouvez venir déposer votre question en format papier directement dans mon casier au département des sciences humaines du pavillon Ringuet. Il y a un pigeonnier en bois, j'ai une case à mon nom, donc vous pouvez venir déposer votre question et ça me fera plaisir de vous lire et de tenter de répondre à vos questions. Deuxième manière pour m'envoyer vos questions, vous pouvez me les transmettre par courriel. J'ai une adresse courriel derycarl@gmail.com. derycarl@gmail.com. Donc, vous pouvez me transmettre vos questions par courriel. Vous pouvez me les déposer dans mon pigeonnier au département de sciences humaines. Et finalement, pour celles et ceux qui préféreraient poser leurs questions de vive voix, voire discuter de l'histoire de la Chine en personne. Vous pouvez aussi me rejoindre à tous les lundis de midi à 14h dans le Parc Victoria à Trois-Rivières. Je m'y installe, c'est mon bureau, et vous n'avez qu'à chercher de midi à 14h. Mon bureau est indiqué, un prof à ciel ouvert, et il me fera plaisir de répondre à toutes vos questions dans la mesure de mes moyens. Prenons maintenant quelques minutes pour vous présenter le plan et la structure de l'émission que je vous propose. Un plan et une structure qui vont se reproduire de semaine en semaine. Il va y avoir trois principales parties à l'émission. Tout d'abord, une petite introduction. Il va y avoir une chronique d'histoire et une section Varia qui va compléter le tout à la fin de l'émission. Ces trois sections seront entrecoupées de pièces musicales, un peu comme on fait aujourd'hui. Chaque semaine, je vais commencer par une brève entrée en matière qui me permettra de glisser quelques mots sur des éléments d'actualité qui sont en lien avec la Chine. L'actualité récente ou l'actualité un peu plus éloignée, mais tout ce qui touche la Chine. Je vais ensuite présenter une chronique d'histoire qui s'intitule « L'histoire de Chine à dos de tortue ». C'est une chronique qui va me servir pour raconter l'histoire de la Chine depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Grosso modo, ce sont plus de 10 000 ans d'histoire que nous allons parcourir ensemble, semaine après semaine, lentement, en prenant tout le temps dont nous avons besoin pour le faire. À ces deux premières parties, il y a une troisième partie que j'intitule Varia qui viendra clore l'émission à chaque semaine. Au cours de ce segment final, je pourrai à l'occasion prendre quelques minutes pour expliquer de manière plus spécifique des concepts essentiels ou des dynamiques historiques sur lesquelles nous n'avons pas eu le temps de nous attarder. Je vais pouvoir à l'occasion parler de débats qui animent les sinologues et les historiens de la Chine. Je vais pouvoir prendre le temps de répondre aux questions que vous m'aurez envoyées ou encore présenter des livres importants, présenter des auteurs, présenter des ressources documentaires qui sont accessibles sur le web et qui peuvent contribuer à mieux apprendre sur l'histoire de la Chine. L'objectif de la section Varia que je vais mettre à la fin de l'émission, c'est de mettre en valeur l'enseignement de l'histoire de la Chine. L'enseignement de l'histoire de la Chine tel qu'il est vécu au Québec, tel que je l'ai vécu au fil des années. D'ailleurs, dans cette section Varia qui va clore l'émission, ça va me permettre aussi d'échanger à l'occasion avec des spécialistes qui étudient la Chine. Je vais pouvoir inviter des spécialistes à venir présenter leurs travaux, que ce soit en ondes ou des enregistrements, des entrevues qui auront été faites préalablement. Je compte particulièrement inviter les étudiants qui sont inscrits au cycle supérieur, dans les universités québécoises à venir discuter de l'état de leurs recherches afin de donner un aperçu de la richesse des études chinoises telles que vécues au Québec. Donc, j'en profite pour lancer l'invitation sur nos ondes. Si vous connaissez des étudiants qui sont inscrits au cycle supérieur dans une université québécoise, des étudiants qui ont passé par les universités québécoises et qui peuvent être rendus ailleurs, des étudiants dont les recherches portent sur la Chine, peu importe le programme de recherche, peu importe que ce soit en histoire ou dans d'autres matières comme les sciences politiques, la géographie, l'économie, la littérature, la philosophie, les arts, tant que ça touche l'histoire de la Chine, tant que ça touche la Chine dans sa réalité, n'hésitez pas à leur transmettre l'invitation et à leur proposer de venir discuter de leurs travaux sur nos ondes. L'invitation est lancée à tous et à toutes. Cela étant dit, c'est la première fois que j'enseigne à la radio, donc il y a un défi de préparation, il y a un défi de présentation, il y a un défi d'acclimatation technologique important. Et j'ignore combien de temps nous aurons besoin pour parcourir cette longue épopée que je vous propose, cette longue épopée que constitue l'histoire de la Chine des origines jusqu'à aujourd'hui. on aura besoin peut-être de 6 mois, de 1 an, peut-être 2, qui sait. Ça reste à voir et, chose certaine, ça dépendra des réactions que nous avons, dépendra des questions et de la réception de l'émission. Il y a une chose, par exemple, qui est certaine, une chose, par contre, qui est certaine, c'est que je vous donne rendez-vous à cette antenne à tous les samedis matins, toutes les semaines, dès 11h, et ce, tant que nous n'aurons pas terminé la matière du cours qui va débuter à partir de la semaine prochaine. On va revenir la semaine prochaine sur certaines considérations méthodologiques qui sont essentielles au bon déroulement de notre cours. On va aussi débuter la semaine prochaine le récit de cette histoire de la Chine des origines jusqu'à aujourd'hui. Mais avant de terminer la première émission, j'aimerais toutefois prendre quelques minutes pour dire quelques mots à propos d'une ville chinoise qui est très importante dans l'histoire de la Chine. Une ville au sujet de laquelle il y a beaucoup d'encre qui a coulé au cours des dernières années. Une ville que tout le monde connaît certainement. Il s'agit de la ville de Wuhan. La ville de Wuhan, c'est la capitale de la province du Hubei. C'est une ville qui est certainement la ville chinoise qui a fait le plus parler d'elle à l'échelle mondiale au cours des dernières années. Tout le monde a entendu parler de cette ville comme étant le foyer d'origine de la pandémie de COVID-19 qui a bouleversé la planète entière, provoquant d'importantes fractures sociales ainsi qu'une importante crise de confiance de laquelle nos sociétés peinent encore à se relever. Si je vous parle de la ville de Wuhan aujourd'hui, ce n'est pas pour ramener à votre esprit des souvenirs désagréables. Ce n'est pas non plus pour ramener à la surface le débat entre est-ce que l'origine de la pandémie a commencé dans un marché public ou dans un laboratoire qui était tout près. Donc, si je vous parle de la ville de Wuhan, c'est plutôt pour souligner l'importance historique de cette ville, particulièrement à l'époque contemporaine. La ville de Wuhan était importante pour l'histoire de la Chine, même avant cette fameuse pandémie. C'est en effet dans la ville de Wuhan, plus précisément dans le district de Wuchang, que la révolution républicaine de 1911 a éclaté. Le 10 octobre 1911, révolution qui a mené à la chute de la dynastie Qing et à la fin du système impérial, un système qui était en vigueur alors en Chine depuis plus de 2000 ans. C'est suite à cette révolte, la révolte qu'on appelle du double 10, le 10 du 10e mois, que la République de Chine a été fondée le 1er janvier 1912 avec Sun Yat-sen comme premier président. La ville de Wuhan est donc considérée par plusieurs comme le berceau de la révolution chinoise. Et cette aura de contestation qui nimbe la ville est encore présente de nos jours. À preuve, de nombreux spécialistes s'entendent pour dire que la ville de Wuhan est le lieu où sont apparus les premiers groupes de musique qui ont marqué la scène musicale punk dans la Chine contemporaine. D'ailleurs, c'est de cette ville qu'est originaire le groupe SMZB, formé en 1996. Considéré par plusieurs comme le groupe emblématique de cette scène musicale punk chinoise. Le nom du groupe SMZB est un acronyme pour Shenming Chuping, une expression qui signifie le pain de vie ou le biscuit de la vie. La chanson de SMZB avec laquelle je vais terminer cette première émission reprend des textes de Lin Chao, une poétesse, écrivaine et journaliste qui est morte en 1968 à l'âge de 36 ans, en plein cœur de la révolution culturelle. C'est d'ailleurs la photo de Lin Chao qu'on retrouve sur l'affiche promotionnelle que j'ai préparée pour cette émission de radio. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui l'ont rencontrée, soit à l'intérieur des couloirs de l'université ou sur les poteaux de votre ville. À cet égard, concernant cette affiche promotionnelle, je tiens à remercier le réseau des bibliothèques publiques de la ville de Trois-Rivières qui ont refusé que je fasse la promotion de cette émission de radio d'intérêt public en affichant cette publicité à l'intérieur de leurs murs. Grâce à ce refus des bibliothèques publiques de Trois-Rivières, je me suis tourné vers une autre stratégie publicitaire pour essayer de rejoindre le plus de monde possible pour faire la promotion de cette émission. Je me suis donc réapproprié une partie de la rue, et ce, pour le bénéfice du plus grand nombre. Revenant à Lin Chao, son parcours reflète celui de nombreux jeunes de cette génération, alors qu'elle fut d'abord très sympathique à la cause des communistes lors de la fondation de la République populaire de Chine en 1949, très sympathique au mouvement de réforme en place au début des années 1950. Lin Chao a rejoint l'école de journalisme du Parti communiste. Elle a aussi participé activement aux campagnes de la réforme agraire. Mais avec le temps, par contre, dans le contexte du grand bond en avant, sur lequel on va revenir en temps et lieu, Lin Chao a exprimé sa dissidence. Elle l'a fait avec vigueur, notamment à partir de la campagne anti-droitière de 1957, ce qui a entraîné pour elle de nombreux problèmes. Elle a été emprisonnée au début des années 1960, mais elle a continué à se montrer excessivement critique des politiques du gouvernement et elle n'a jamais cessé d'écrire. On raconte que les autorités avaient refusé de lui fournir l'encre et les stylos dont elle avait besoin pour écrire et pour continuer à écrire, elle se piquait les mains avec ses épingles à cheveux pour pouvoir continuer à écrire avec son propre sang. Elle a été condamnée à 20 ans de prison en 1965, en particulier à cause de ses écrits et à cause de la verve de sa critique à l'égard des politiques gouvernementales. Sa peine a été commuée en peine de mort et elle a été exécutée en 1968. Sa mémoire a toutefois été réhabilitée par les autorités chinoises après la Révolution culturelle, après la mort de Mao Tse-tung. Elle a été réhabilitée en 1980. Donc, je vous laisse avec cette dernière chanson pour aujourd'hui. C'est une chanson de SMZB qui reprend un texte de Lin Chao, un texte qui a été écrit comme une ode à la liberté. La chanson s'intitule « Ai Ho Chiga », soit on pourrait traduire par « Le chant des mouettes » ou on a la traduction « The Song of the Seagulls » en anglais. Pour cette chanson. Je vous laisse donc avec cette chanson pour cette semaine, avec une chanson de SMZB, et je vous donne rendez-vous samedi prochain à 11h sur les ondes de CFOU 89.1 pour le début de notre histoire de la Chine, prendre la Chine par son histoire. Je vous dis donc pour l'instant à la prochaine. Woman Xiaci Zaitian Pa. Thank you. 就